Infotrafic RTS. La chaussée est à présent dégagée sur l'autoroute Yverdon-Mora entre Avenches et le tunnel des Vignes en direction de Mora. Tout de suite, c'est Histoire vivante. Très belle journée à l'écoute de nos programmes. À demain. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. When all the people receive true information of all that government does. Cette semaine, la démocratie aux États-Unis. Nous sommes le peuple élu. Nous portons l'arche des libertés du monde. Pionnier et héritier. Why two triangles? Un système qui en a vu d'autres. One right side up. One upside down. Je crois que Dieu a présidé à la naissance de cette nation et que nous sommes choisis pour montrer la voie aux nations du monde dans leur marche sur les sentiers de la liberté. Il faut lier le pouvoir politique à la puissance d'argent. C'est cela qui nous donnera, je cite, un bon gouvernement. À quoi ressemble la fondation des États-Unis? Quel est le projet initial? Dans quelle mesure les paroles de John Winthrop conservent-elles un aspect prophétique? Ce sont là quelques-unes des questions qui seront abordées dans cet épisode, aujourd'hui intitulé « Origine et destinée ». L'origine de la fondation des États-Unis découle d'une vision idéaliste et religieuse. La découverte du Nouveau Monde devait permettre la construction d'un État idyllique en opposition aux nations décadentes d'Europe. Dès 1630, l'avocat puritain et fondateur de la colonie de la baie du Massachusetts, John Winthrop, dans son sermon « A Model of Christian Charity », déclare que les puritains du Nouveau Monde ont la mission divine de construire une cité sur la colline. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Évangile selon saint Matthieu. La Révolution américaine et l'apparition de la première nation républicaine et démocratique vont forger le concept d'exceptionnalisme américain. La Déclaration d'indépendance de 1776, la Constitution américaine de 1787 mentionnent des principes et des valeurs dont la vocation était d'être appliquée à l'ensemble de l'humanité. La situation des Américains est donc entièrement exceptionnelle. Il est à croire qu'aucun peuple démocratique n'y sera jamais placé. Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Cette conception justifie alors l'idée que les États-Unis sont dotés d'une destinée manifeste, qu'une mission civilisatrice leur a été dévolue afin de répandre leur modèle sur l'ensemble du continent. Le 9 janvier 1961, John Kennedy tient discours dans le Massachusetts. John Winthrop set before his shipmates on the flagship Arabella 331 years ago. We must always consider, he said, that we shall be as a city upon a hill. The eyes of all people are upon us. Plus loin, Kennedy précise avec ses propres mots. Plus que n'importe quel peuple sur Terre, nous portons les fardeaux et acceptons les risques sans précédent, de par leur taille et leur durée, non pas pour nous seuls, mais pour tous ceux qui souhaitent être libres. François Veil, historien. Les Américains, à l'origine et pendant très longtemps, et sans doute jusqu'à aujourd'hui, n'étaient pas tous unanimement enthousiasmés par la ville. Et la tradition pastorale elle-même existe et s'est développée aux États-Unis depuis au moins le milieu du XVIIIe siècle, c'est-à-dire le moment où les villes se sont développées au même moment. La tradition pastorale, c'est d'abord un sentiment de rapport à la nature, un sentiment d'exceptionnalité de la nature américaine et de crainte que la ville ne vienne corrompre ce bel équilibre, et c'est une tradition qui s'est manifestée tout au long du 19e siècle, alors même que les villes américaines connaissaient une croissance spectaculaire, et qui, à certains égards, a connu une renaissance au 20e siècle, par exemple dans le sud des États-Unis au début des années 30, avec ceux qu'on appelait les agrariens, qui souhaitaient défendre une image de la nature américaine aux antipodes de ce qu'est la grande ville américaine qu'on connaît par ailleurs. Des gens comme Jefferson, qui connaissait bien l'Europe parce qu'il y était allé dans les années 1780, il y avait représenté les États-Unis, des gens comme Jefferson avaient vu avec beaucoup d'inquiétude les villes européennes qu'ils jugeaient être des cloaques corrompues et qu'ils opposaient à la belle harmonie, disait-il, de la société américaine. Naturellement, nous parlons là d'idéologie, pas de réalité. Il y avait des conflits dans la société américaine rurale du XVIIe et du XVIIIe siècle, et ce n'est pas une opposition entre l'harmonie d'un côté et la corruption de l'autre. Mais le thème du pastoralisme américain, le thème de la nature, le thème de la nature contre la ville, est quelque chose qui a parcouru la culture américaine et qui continue à certains égards à la parcourir aujourd'hui. Les Américains qui se réclament de cette idée de la nature considèrent les États-Unis, l'Amérique, comme exceptionnelles. Exceptionnelles par rapport à l'Europe notamment. Et là, on retrouve un thème qui remonte aux Puritains, aux années 1620, avec l'arrivée de ces colons anglais qui fuyaient l'Europe et qui cherchaient à recréer une autre société. Alors, en ce sens, il y a un lien entre le puritanisme et la tradition pastorale, même si les puritains, de manière assez paradoxale, voulaient construire une ville sur la colline, comme on disait à l'époque, ce qui, vous me l'accorderez, est un peu loin du pastoralisme. Denis Lacorne, spécialiste de l'histoire politique des États-Unis. Dans la représentation des Américains par eux-mêmes, il y a, je ne dirais pas de la magie, mais de l'alchimie, certainement. C'est-à-dire qu'il y a une formule qu'on trouve sur les billets de 1 dollar qui représente le grand sceau des États-Unis. Et l'une de ces formules, c'est « e pluribus unum », une formule latine qui veut dire « à partir de plusieurs l'un » ou « comment créer dans le fond une singularité plurielle ». Et tout le débat de l'histoire des États-Unis, c'est comment définir l'un et comment définir par ailleurs cette pluralité qui va se ramasser, disparaître, se fondre dans ce un peu mythique, qui est dans la formule, laquelle formule est empruntée à un poème de Virgile. Alors prenons le 1, la partie unum, le 1. Dans le fond, celui qui a le mieux pensé la fusion d'un peuple américain, l'unité du peuple américain, c'est un étranger, toujours, parce que c'est un pays d'immigrés, mais c'est quelqu'un qui n'a même pas immigré aux États-Unis, qui est toujours resté citoyen anglais, et qui est Israël Zangwill, qui est peut-être le plus grand écrivain juif de langue anglaise, lui-même d'une famille de réfugiés polono-russes, qui a beaucoup écrit sur le ghetto londonien, mais qui a aussi fait une pièce de théâtre fameuse, tellement fameuse que le mot a fait carrière. Cette pièce de théâtre s'appelait « Le Melting Pot », et elle a été jouée en 1908 pour la première fois aux États-Unis pour un public américain devant le président des États-Unis de l'époque qui était Theodore Roosevelt. Cette pièce a été un immense succès et un tel succès qu'elle a été ensuite jouée dans d'autres villes bien sûr, mais que ça sera la pièce classique que les lycéens par exemple en terminale vont s'amuser à représenter eux-mêmes. Et que même les entreprises vont représenter de façon plus populaire. Par exemple, l'entreprise Ford, l'entreprise du constructeur de voitures, va convaincre ses ouvriers qui parlaient mal anglais de jouer le melting pot, d'entrer dans un énorme creuset dans des costumes bigarrés et d'en ressortir tous habillés pareil avec des petits drapeaux américains en disant « voilà, maintenant je suis américain ». Donc ça, c'est la version caricaturale de la pièce. La pièce elle-même, le melting pot, est une pièce à la fois romantique, très belle, qui devrait être découverte et peut-être rejouée, parce qu'elle est tout à fait passionnante. C'est une pièce sur l'harmonie des contraires, je dirais. C'est une espèce de Roméo et Juliette moderne, puisque les deux héros principaux de cette pièce sont David, qui est le survivant du pogrom de Kishinev, pogrom antisémite russe, donc ses parents, ses sœurs sont morts, lui a survécu, et puis il tombe amoureux d'une certaine Vera, qui elle est aussi russe d'origine, et qui découvre, et donc ça crée le drame bien sûr, que son père, lui, était un officier cosaque qui menait la charge contre les juifs, et donc son père est le baron noir, le bourreau. Donc la fille du bourreau et le fils des victimes du pogrom sont amoureux, c'est un amour impossible, mais qui est quand même possible et qui aboutit à la fin de cette pièce, la constitution d'une espèce de melting pot eschatologique où dans le fond l'Est et l'Ouest, Jérusalem et Athènes sont réconciliés, et David qui est... le grand héros de la pièce n'a qu'un rêve, qui est de rédiger, c'est un musicien, c'est un compositeur, c'est de faire la symphonie américaine, et la pièce se termine avec une performance de la symphonie américaine composée par David, avec un coucher de soleil où le ciel lui-même se transforme dans les couleurs de l'Amérique, et on voit à l'horizon la Statue de la Liberté et Ellis Island, l'île des immigrés. Donc c'est un curieux rêve, dans le fond, où on va réconcilier les irréconciliables, et l'idée de l'Amérique comme un paradis sur Terre, un retour à Adam, dans le fond, d'un état qui serait d'avant Babel, d'avant la division, avant le péché. Donc c'est un peu le thème très curieux de cette pièce qui a été critiquée comme étant trop passionnée, trop dramatique, pas assez intellectuelle, et qui a été aussi applaudie pour beaucoup de nouveaux immigrés américains qui s'identifiaient au héros ou à l'héroïne. L'année même de ça, immédiatement, c'est-à-dire la première controverse, c'est que le président a publiquement dit qu'il aimait la pièce. Alors ceux qui n'aimaient pas Theodore Roosevelt l'ont critiqué en disant de quoi il se mêle, voilà un président qui devient un critique théâtral, c'est grotesque. Ensuite, il y a eu beaucoup de critiques anglais qui trouvaient la pièce trop kitsch, pas assez sophistiquée à leurs yeux, plaisant trop au goût du public. Donc ils ont trouvé que c'était une mauvaise pièce parce qu'elle n'était pas esthétique selon leurs critères de l'esthétisme. Et puis il y a aussi ceux que j'appellerais les fondateurs du multiculturalisme. Et je pense à un philosophe américain qui est Horace Kallen, qui lui a estimé la pièce scandaleuse parce que il était contre l'assimilation. Il trouvait que c'était une pièce qui encourageait l'assimilation, le mélange des cultures, des races et des ethnies. Et pour lui, l'assimilation culturelle, en tout cas, était quelque chose de très dangereux parce que ça conduisait à quoi ? Ça conduisait à l'uniformité, à la standardisation et à une espèce de sous-culture qu'il dénonçait, Horace Kallen, dans des termes quasiment identiques à ceux d'un Georges Duhamel dans Scène de la vie future, par exemple. Pour Horace Kallen, qui est aussi un immigré juif, lui qui vient d'Allemagne et dont le père était rabbin, pour lui, l'Amérique idéale, c'est une Amérique où les ethnies ou les groupes immigrés maintiennent leur religion, leur langue, leur culture, parce que cette culture, à son avis, à ses yeux, est bien plus riche que la culture anglo-saxonne qui est visible à l'époque où il écrit, les années 1915-1920, et qui, à son avis, est très en retrait par rapport à l'origine de la culture anglo-saxonne. C'est-à-dire pour Kallen, les puritains avaient une vraie culture estimable en soi, même si lui-même n'a rien en commun avec les puritains. Alors que la culture de masse qu'essaye d'imposer les élites anglo-saxonnes de la fin du 19e, c'est une culture de la standardisation qu'il trouve affligeante, consternante, culture qui aboutira d'ailleurs dans sa forme la plus exotique pour nous, mais la plus conformiste aux États-Unis, par la recréation du Ku Klux Klan et une espèce, parce que le Ku Klux Klan, c'est quoi ? C'est la réinvention d'une anglo-saxonie qui n'a jamais existé aux États-Unis, dans le fond. C'est l'imposition, le désir d'imposer un mythe anglo-saxon, une religion, des pratiques culturelles qui n'ont jamais été dominantes. Elles étaient fortes, mais elles n'étaient pas dominantes. Et Kallen résiste à ça. Pour lui, dans le fond, la culture, l'assimilation, c'est la culture clan, dit-il. Et il faut à tout prix éviter cette chose horrible. Et ce qui le frappe lorsqu'il analyse, dans le fond, la vie culturelle des ghettos ethniques, qu'ils soient, je ne sais pas, russes, polonais, italiens, c'est la richesse de cette vie culturelle. Il trouve que les journaux de langue allemande ou de langue italienne sont plus riches en informations littéraires, théâtrales, politiques, que les journaux américains destinés à un public qui n'est qu'anglophone, qui, eux, cherchent le plus petit commun dénominateur, et ils trouvent cette culture-là effrayante. Et donc, pour l'éviter, il faut préserver les cultures des ethnies, mais dans certaines limites. C'est-à-dire qu'il accepte le système politique, il accepte le cadre fédéral, il accepte de se conformer aux lois du pays, donc il n'est pas véritablement un séparatisme. Et la belle métaphore qu'il utilise pour justifier son multiculturalisme, c'est une métaphore musicale. Il dit, dans le fond, en musique, il y a deux traditions, il y a le plein chant et la polyphonie, l'unisson et la polyphonie. Eh bien, l'unisson, c'est ce qui mène à un conformisme réducteur et destructeur. Il ne souhaite pas que ça fonctionne comme ça, alors que la polyphonie, où il y a une harmonie, mais à partir de voix différentes qui choisissent à la fois des thèmes différents et des tons différents, eh bien c'est comme ça que devraient idéalement fonctionner les États-Unis. Donc pour Kallen, pratiquement à l'époque même où Zang Will fait sa pièce, tout sauf le melting pot. Élise Mariensas, historienne. Ni les Noirs, ni les Indiens ne font naturellement partie de cette nation. Cette nation qui se proclame une nation qui respecte des droits naturels, qui naît vraiment au sommet de l'époque des Lumières, cette nation estime que tous les hommes ont des droits de nature et qu'elle-même, cette nation respectant les droits de nature, est une nation en quelque sorte de nature. Mais c'est une nature qui existe dans un cadre bien défini, cadre culturel, cadre biologique même, et qui se donne forcément, il faut qu'elle se donne des contours. Et ces contours, donc, ont des caractéristiques. Ils englobent une population qui sera blanche, qui sera civilisée, qui est plutôt d'origine européenne et qui a toutes les caractéristiques de la civilisation du XVIIIe siècle européenne et non pas amérindienne. Il est certain que l'Amérique est chrétienne. Dès la fondation de ses premières colonies, pour une raison, l'Amérique anglaise, pour la raison simple que l'Église est établie en Angleterre, puisqu'elle est dirigée par le roi depuis la réforme d'Henri VIII, et que d'autre part, la colonisation anglaise est en majorité protestante et en particulier calviniste. Donc on a les deux aspects dès la fondation des premières colonies, l'Église anglicane, qui est plutôt installée dans le sud, mais qui en principe gouverne l'ensemble des colonies, puisqu'elle représente le roi, et un calvinisme plus dissident, plus protestant, si l'on peut dire, qui est celui qui est représenté par les puritains en Nouvelle-Angleterre, et puis des Quakers qui vont s'installer surtout en Pennsylvanie et s'aimer un tout petit peu par la suite. Donc la présence de la religion est très forte, c'est le christianisme, mais un christianisme donc à multiples facettes. Au moins trois dès le départ, et puis les sectes se multiplient parce que l'Amérique est un lieu d'asile aussi, et donc des sectes persécutées en Europe, les sectes rhénanes, des sectes moraves, etc., viennent s'installer là. Il y a donc à la fois une présence de la religion avec une idée dominante qui est celle de l'existence d'une divinité chrétienne, avec certaines croyances fondamentales qui sont le christianisme, mais une grande variété tout de même de constructions par la suite. Et ceci fait qu'il y a ce que certains appellent un pluralisme religieux en Amérique, dès les colonies, une tolérance relative. Parce qu'à l'intérieur de chaque colonie, on préfère quand même la religion, sauf les Quakers qui sont très très ouverts, mais pour l'église anglicane et pour les puritains, il y a fermeture tout de même aux autres, notamment au catholicisme qui est peu représenté dans les premiers siècles. Donc une présence de la religiosité et une relative tolérance dans l'application de cette religiosité. C'est cette absence de monolithisme religieux, puisque nous parlons à un public français, lorsqu'on fait la comparaison avec une France ou une Italie catholique, non seulement majoritairement, mais d'une manière massive, c'est cette grande différence qui fait qu'il n'y a pas eu, lors de la Révolution américaine, d'opposition entre le religieux et le politique. Il y a eu, de la part du politique, parce qu'on est à l'époque des Lumières, parce que c'est une révolution libérale, il y a une volonté de se libérer des contraintes institutionnelles des religions. Mais, en même temps, on laisse leur place aux religieux, et la mythologie, d'ailleurs, sécularisée, disons, révolutionnaire, emprunte énormément à la tradition religieuse, elle s'en sert, elle la réinterprète et même elle s'appuie sur le clergé qui lui-même, pour une grande partie, va soutenir la révolution. La Nouvelle Jérusalem n'est pas une invention de la Révolution du tout, et même c'est un terme qui est finalement peu employé en tant que tel au moment de la Révolution. C'est un héritage du puritanisme, c'est le terme qu'avait employé John Winthrop, l'un des grands dirigeants puritains, dans le voyage, à bord même du navire, dans le voyage vers la Nouvelle-Angleterre, et c'est l'idée que les puritains avaient de la création d'une cité selon Dieu, une nouvelle Jérusalem ou une cité phare, the city upon a hill, la ville sur la colline. Il n'y a pas adoption immédiate, il n'y a pas calque direct de l'idéologie ou de la théologie puritaine sur la mythologie révolutionnaire. Il y a une sorte de translation qui se fait du théologique au séculier. La révolution américaine, comme toute révolution, a sa mythologie, a son besoin d'une certaine transcendance. Et cette transcendance, elle se trouve dans un emprunt fait au mythe puritain. Alors, la Nouvelle Jérusalem, le terme peut-être est modifié parce que de la Nouvelle-Angleterre, de Boston, qui était cette Nouvelle Jérusalem, on passe maintenant à une vision globale de l'Amérique, puisqu'il se crée une nation. Ce n'est plus le Massachusetts, ce n'est pas une nation bostonienne, c'est la nation américaine. Donc, il n'y a plus besoin de Nouvelle Jérusalem, il y a une Amérique. Donc, le terme de Nouvelle Jérusalem, curieusement, n'est pas repris en tant que vocable au moment de la Révolution. En revanche, l'idée elle-même est au contraire très très prégnante au moment de la Révolution américaine. C'est l'idée, mais elle s'élargit à l'ensemble de la nation américaine, à ce qu'on appelle l'Amérique. Et cette idée, c'est celle que l'Amérique, premièrement, a été choisie par Dieu. Et on approche là de l'idée de Canaan, de l'idée de la terre promise. Les les puritains ont vraiment se sont identifiés aux Hébreux de l'Ancien Testament, de la Bible, et ils ont refait avec les Hébreux le chemin de la fuite d'Égypte, la traversée de la mer Rouge qu'ils retrouvaient tout à fait dans leur traversée difficile de l'Atlantique, de la fuite loin du pharaon lui-même, évidemment représenté par le roi d'Angleterre, l'oppression des puritains, et de l'arrivée difficile, parce que les premiers puritains ont éprouvé énormément de difficultés, de l'arrivée donc dans la terre promise qu'est la Nouvelle-Angleterre. Tout cela, on le retrouve au moment de la Révolution, et les révolutionnaires mettent en avant d'ailleurs et font une véritable élégie des pères fondateurs que sont, c'est eux qui ont inventé les Pilgrim Fathers comme ancêtres, parce qu'ils ont parcouru ce chemin qui les identifie aux Hébreux. Donc on a la création d'une nation qui, en effet, comme Israël, se proclame terre promise, se proclame mère de citoyens qui ont été d'une certaine manière des élus et qui ont une mission. Et là, l'Amérique se donne une mission beaucoup plus grandiose que celle que se donnera l'État d'Israël. L'État d'Israël se proclame refuge des Juifs du monde. L'Amérique se proclame refuge des persécutés du monde entier et modèle, par ailleurs, pour un monde meilleur, libéral, pacifique, et où les hommes prospéreront. Donc il y a en Amérique à la fois identification avec une tradition qui est une tradition biblique et qui est la même que la tradition des Israéliens. Il y a l'idée que les Américains sont dotés d'une mission, et cette mission qui s'est un peu perdue avec la création de l'État d'Israël, mais qui était inscrite également dans la tradition juive, en tout cas. Donc on peut, d'une certaine manière, faire la comparaison. C'est entre la fabrication des deux idéologies qu'il y a le plus de rapprochement possible, mais c'est un rapprochement qu'on peut faire également avec d'autres nations créées de toutes pièces, comme l'ont été les États-Unis, comme l'a été Israël dans les temps modernes, des nations qui se sont créées dans des territoires étrangers, qui ont été créées par des immigrés, lesquels immigrés se sont implantés donc dans des terres qu'on appelle de colonisation de peuplement. Et c'est la caractéristique la plus frappante, je crois, de la création des États-Unis, que non pas terre de décolonisation, non pas révolution de décolonisation, mais révolution au contraire de par une colonisation de peuplement. Ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs, porteurs d'une mission, alors celle-ci historique, pas mythique, d'une mission, d'une tâche qui leur a été donnée de coloniser un continent. Ils sont donc à la fois colonisés, sans doute, ils sont les colons de la couronne d'Angleterre, les sujets de la couronne d'Angleterre, mais ils sont eux-mêmes les colonisateurs du continent sur lequel ils abordent. Et cette tâche-là, cette mission, ils vont l'assumer pleinement à partir de leur indépendance. Et c'est ce qui, en grande partie, motive leur désir d'indépendance. C'est le projet de continuer et d'étendre cette colonisation de peuplement, de mise en valeur du sol, des ressources, etc. Notre épisode était intitulé « Origine et destinée ». Cette semaine est réalisée par Isabelle Barthes.